entre les morts. Lève-toi, mon enfant, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts, mon enfant, et sur toi luira ton cœur.